Quelques secondes, vous écoutez toujours France Inter. Très bon début d'après-midi à toutes et à tous avec nous et avec Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Ce fut l'un des temps forts de la guerre froide. J'allais dire la nouvelle guerre froide, celle qui a été relancée par Ronald Reagan au début des années 80. Ce fut donc l'un de ces moments où le monde entier retient son souffle et où l'on sent que la moindre étincelle risque d'embraser la planète. Dans la nuit, du 31 août au 1er septembre 1983, à 3 heures du matin, heure française, un Boeing sud-coréen s'abîme en mer au large de l'île de Sakhalin, entre l'URSS et le Japon. Donc, on ne retrouvera aucun des 269 passagers et hommes d'équipage. Un député américain se trouvait à bord. Très vite, selon des sources américaines et japonaises, on apprend que l'avion a été abattu par un missile soviétique, alors que, à cause d'une erreur de navigation, il aurait survolé par inadvertance le territoire de l'URSS. La presse et l'opinion occidentale se déchaînent aussitôt. Cette attaque contre un avion civil est un acte barbare, une preuve de plus de la nature impitoyable du régime soviétique et de la brutalité des dirigeants communistes. Moscou, visiblement embarrassé, garde d'abord le silence, puis réplique assez maladroitement. L'équipage du Boeing aurait effectué une mission d'espionnage pour le compte des États-Unis. Conclusion, ce sont les Américains qui ont pris délibérément le risque d'envoyer à la mort des passagers d'un avion civil. Autant le dire tout de suite. L'affaire n'a jamais été vraiment éclaircie. Et alors que, très récemment, une grave affaire d'espionnage aérien vient d'opposer les États-Unis et la Chine, j'ai eu envie de demander à M. X s'il disposait d'informations privilégiées sur ce drame qui a exacerbé la tension entre les deux supergrands. Ce qu'il m'a révélé est incroyable, incroyable et effrayant. Rendez-vous avec X. 1983, c'est une année à risque sur le plan international. On assiste à un raidissement des relations entre les deux superpuissances. Oui, c'est l'affaire de la guerre des étoiles. Oui, l'idée, c'est au début de l'année que Ronald Reagan a officiellement annoncé son intention de lancer son programme d'armement antimissile. Et dans la foulée, parlant de l'URSS, il a évoqué l'Empire du Mal. L'Empire du Mal. Oui, il y a aussi la querelle des fusées. Ça, c'est les Pershing. Oui, pour répliquer au SS-20 soviétique positionné derrière le rideau de fer, Reagan veut installer en Europe occidentale des missiles Pershing susceptibles d'atteindre directement le territoire de l'URSS. Et dès la fin de l'année, des fusées américaines sont effectivement mises en place en Grande-Bretagne et en Italie, ce qui entraîne une réplique soviétique. Oui, c'est avec l'installation de nouveaux missiles dans les pays de l'Est, c'est ça ? Naturellement, cette relance de la course aux armements est d'autant plus préoccupante qu'à Moscou, on ne sait plus très bien qui gouverne. Attendez, en 83, c'est Yuri Andropov qui est au pouvoir. Oui, l'ancien patron du KGB. Mais le nouveau numéro 1 du régime semble encore plus malade que celui auquel il a succédé. Brejnev, dont la fin de vie a été pitoyable. Donc Andropov semble lui aussi mal en point, il disparaît même pendant 4 mois, et on peut penser que ce sont alors les militaires soviétiques qui commandent réellement à Moscou. Dans cette période de tension, ça n'est pas très rassurant. Oui, ça on peut le concevoir. Alors ça c'est le contexte, mais les faits eux-mêmes. Le vol KAL 007 relie New York à Séoul. KAL, Korean Airlines, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et le Boeing 747 qui assure cette longue liaison effectue une escale à Anchorage, en Alaska. Ça permet de changer d'équipage, de remplir les réservoirs et d'effectuer quelques vérifications techniques. Mmh. Et justement, ce jour-là, le 31 août 1983, l'équipage sortant signale deux petites avaries. De quelle nature ces avaries ? L'indicateur de situation horizontale, un instrument de pilotage qui indique la direction dans laquelle vole l'appareil. Ah ben c'est un instrument important, ça, non ? Oui. Enfin, l'essentiel est de savoir que cet instrument est défectueux, car le pilote dispose d'autres appareils d'aide à la navigation. Radio-compas, radar, centrale inertielle. Ouais, d'accord. Mais... Et la deuxième avarie, alors ? Un émetteur-récepteur VHF qui permet de capter les messages transmis du sol est lui aussi défectueux. Mais sur ce genre d'appareil, on dispose de deux autres émetteurs-récepteurs. Donc, Pas de réelle inquiétude, là. Non, non, l'équipage se sent parfaitement capable de prendre l'air. Mais nous reviendrons un peu plus tard sur ces incidents techniques. Des incidents qui expliquent aussi, peut-être, pourquoi le Boeing décolle avec 40 minutes de retard. Mmh, j'en prends note, hein. Alors, et cet équipage dont vous venez de parler, là? Bah, rien à dire, des types très expérimentés qui, en outre, connaissent parfaitement la route à suivre pour relier encore Edja à Séoul. Ouais. Et cette route-là, justement, pour bah, en fait, il y en a plusieurs, cinq, je crois. C'est cinq couloirs aériens. Oui, c'est cela. Et le pilote, non sans raison, choisit la route la plus courte. La plus courte, mais aussi la plus dangereuse. Pourquoi la plus courte et la plus dangereuse? Ben parce qu'elle passe au plus près de l'espace aérien soviétique. Or, les régions extrême-orientales de l'URSS fourmillent d'installations militaires toutes plus secrètes les unes que les autres. Vous avez des exemples, là? Oui, ben on y trouve la flotte soviétique du Pacifique, forte de centaines de bâtiments et sous-marins nucléaires équipés de missiles intercontinentaux. Mais il y a aussi, essentiellement sur l'île de Sakhalin, qu'on a d'ailleurs souvent comparé à un porte-avions, des centaines, peut-être même des milliers de chasseurs et de bombardiers parmi les plus modernes que l'URSS possède. C'est donc une zone excessivement sensible. Excessivement, oui. Parce qu'il faut également mentionner l'existence d'un centre d'expérimentation de missiles. Cette immense zone doit être très très surveillée. Bien entendu, elle est truffée de radars très sophistiqués. Elle est donc interdite à tous les appareils étrangers. Ce qui me paraît évident. Mmh. Et tous les pilotes civils le savent. Et ils prennent garde de ne pas entrer dans l'espace aérien soviétique parce qu'ils savent qu'ils seraient immédiatement détectés et contraints à un atterrissage forcé ou peut-être même en cas de refus à des mesures de représailles. Représailles, c'est une frappe aérienne, vous voulez dire? Bien sûr. Ouais. Je crois que c'était déjà arrivé à un autre avion sud-coréen par le passé. Alors, revenons au début. Hein. Le Boeing décolle d'Anchorage. Une précision importante d'abord. Ouais, ouais. Le vol va se faire de nuit. Pourquoi c'est important? Parce qu'aucun repérage au sol ne sera possible. Ouais, de repérage visuel, vous voulez dire, ça. Exactement. Donc le Boeing décolle vers 13h GMT et aussitôt, il commence à dévier de la route que l'équipage a pourtant choisie. Et ce décalage va aller en s'accentuant. Et dans quelle direction ce décalage, hein? En gros, vers le sud-ouest. Oui, ça veut dire qu'il va se rapprocher de l'espace aérien soviétique. Il va même finir par pénétrer à l'intérieur de cet espace sur plusieurs centaines de kilomètres. Alors, première question, est-ce que les pilotes se rendent compte qu'il faut fausse route? Eh bien, il semble que non. Comment peut-on le savoir? Parce qu'au début du vol, à chaque survol de balise, il donne une position apparemment correcte. Correcte, alors que réellement le Boeing se trouve ailleurs, oui. C'est ça, hein? Oui, oui. Ouais. Et au sol, aucun contrôleur aérien ne leur signale cette erreur? Apparemment non. Oui, mais est-ce que les pilotes avaient la possibilité, à bord, de contrôler eux-mêmes qu'ils volaient dans la bonne direction? Tout à fait. Il suffit donc de vérifier au début du vol que les informations fournies par les instruments de bord correspondent avec leurs propres calculs et l'information directe qui est fournie par les systèmes d'aide à la navigation qui se trouvent au sol. Les balises, c'est ça, ouais. Oui, si ces informations coïncident, c'est bon. Et le commandant de bord peut alors guider son appareil sur la bonne route vers les zones où il n'y a plus de balises. Ouais, plus de balises, c'est quoi, l'océan, c'est ça? Ouais. Oui, ou un désert, par exemple. Ouais. Alors, dans le cas du Boeing sud-coréen, que s'est-il passé à votre avis? Écoutez, il y a plusieurs explications possibles. La première, c'est que le commandant de bord et le pilote ont fait aveuglément confiance à leurs instruments de bord et qui n'ont pas effectué cette vérification dont je vous ai parlé. L'erreur humaine, quoi. L'excès de confiance ou la négligence, oui. La deuxième explication est plus inquiétante. Les deux pilotes auraient sciemment choisi de diriger leur appareil sur une route qui ne correspondait pas au plan de vol initialement choisi. Et si je me souviens bien, ce sera la thèse des soviétiques. Qui accuseront l'équipage du Boeing de s'être livré à un acte d'espionnage. Ouais, avec la complicité des contrôleurs au sol. Vous ferez simplement observer que la dernière station de guidage avant le grand franchissement de l'océan est américaine. Elle est située à l'extrémité de l'archipel des Aléoutiennes. Vous croyez donc à l'hypothèse soviétique? Bon, je me contente pour l'instant d'examiner les faits. Ouais, quand même, il n'est pas innocent que vous insistiez sur le fait que cette dernière station, avant le grand bond vers l'océan, est américaine. Continuons, si vous le voulez. Il y a une troisième explication. Hein. Les instruments de bord auraient pu être trafiqués à l'escale d'Anchorage. Trafiqués, mais comment? Bon, on aurait pu aussi introduire de fausses données dans les ordinateurs de bord, par exemple. En se penchant d'un peu trop près sur ce système d'indicateurs de situation horizontale qui était en panne. Ou qu'on avait peut-être mis délibérément en panne. Oui, et puis Anchorage est aussi situé en territoire américain. C'est bien ce que vous voulez insinuer. Moi? Je n'ai encore rien dit. Enfin, c'est vrai qu'il existe une base militaire US là-bas. Alors, d'après vous, ces instruments de bord auraient été trafiqués, là, à l'insu de l'équipage? C'est une possibilité que je n'exclus pas. N'oubliez pas que le Boeing a décollé avec un retard de 40 minutes. Un laps de temps qui aurait été utilisé pour trafiquer les appareils? C'est une possibilité. Alors, dans ce cas, c'est gravissime, là, parce que on aurait envoyé les passagers et l'équipage à la mort. Pas obligatoirement. Le Boeing intercepté par la chasse soviétique est sommé de se poser aurait pu obtempérer. Mais ça n'a pas été le cas. Et c'est un nouveau mystère. Et je vous le promets, j'essaierai de le dissiper. En 1984, un an après le drame, une commission d'enquête officielle de l'OSCI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, rend compte de ses premiers travaux. On peut ainsi lire dans Libération sous la signature de Patrick Sabatier. L'OSCI a conclu à une erreur de programmation du système de navigation, rejetant la thèse d'une pénétration volontaire de l'espace aérien soviétique. Un porte-parole du département d'État américain vient une fois de plus de démentir mardi que le gouvernement américain ait utilisé un avion civil dans le cadre d'une opération de renseignement et d'affirmer qu'aucune agence du gouvernement n'a su que cet avion faisait fausse route et se trouvait en danger jusqu'après sa destruction. Mais la propagande soviétique utilise abondamment les analyses d'experts occidentaux qui, depuis un an, ont relevé un certain nombre de faits troublants dans la version officielle du drame. Il faut rappeler que l'hypothèse d'une pénétration volontaire de l'espace aérien soviétique avait été lancée dès les premiers jours qui suivirent la nuit du 1er septembre par plusieurs experts aéronautiques et militaires et qu'elle avait été exposée dans les colonnes de Libération dès le 7 septembre 1983. Et le journaliste de souligner, à l'appui d'une possible opération d'espionnage, qu'il est impossible que les services d'écoute électronique américains n'aient pas suivi de bout en bout le vol fatidique. Dès le 4 septembre 1983, une autorité non suspecte de pro-soviétisme, le général George Keegan, ex-chef des services de renseignement de l'armée de l'air américaine, l'avait affirmé dans le New York Times. Peu après, deux agents spécialisés dans les écoutes électroniques de l'US Air Force avaient révélé dans l'International Herald Tribune que des avions espions RC-135 assuraient une surveillance permanente de la région et que leurs informations étaient transmises instantanément aux États-Unis. Nous allons bientôt reparler de ces avions espions avec M. X. Vous croyez donc que le Boeing sud-coréen effectuait une mission d'espionnage ? Non. Et pourtant, après tout ce que vous avez dit... Et que je maintiens, non. Ouais. Non, laissez-moi vous expliquer. Je pense que le Boeing était simplement une pièce dans un dispositif d'espionnage. C'est très différent. Oui, mais moi, ça ne me semble pas beaucoup plus clair. Mais hein. Si. Mais si, le Boeing devait, par sa seule présence dans l'espace aérien soviétique, jouer un rôle. Ouais. L'appareil, selon vous, n'était donc pas doté, je sais pas, d'appareil d'écoute ou de prise de vue ? Absolument pas. C'était un avion civil et uniquement civil. Et si on a accusé les deux malheureux pilotes d'avoir des liens avec la CIA, ça faisait partie d'une manœuvre de désinformation des soviétiques. Les soviétiques, qui, vous le verrez, ont été piégés dans cette affaire et essaieront par tous les moyens de convaincre l'opinion internationale de leur bonne foi. La bonne foi des soviétiques, là j'ai des doutes. Vous avez parfaitement raison, mais puisqu'on les diabolisait, ils ont réagi en utilisant les bonnes vieilles méthodes de l'oncle Joe. Staline. Oui. Et ils ont menti tant et plus. Mais je reviens. D'accord. Mais je reviens à ce que vous disiez précédemment. Le Boeing a joué un rôle. Alors quel rôle ? Je vais y venir. Je vous rappelle d'abord que cette région était une zone particulièrement sensible, enfin une sorte de sanctuaire militaire. Oui, un sanctuaire soviétique, oui. C'est ça. Et logiquement, les Américains essayaient d'en savoir le plus possible sur les installations militaires de l'URSS. Oui. Ce qui les intéressait particulièrement, c'était le système de défense mis en place par les Soviétiques. Oui, c'est-à-dire des missiles solaires Et les radars. Oui. Les radars qui guident les missiles et ceux qui, en surveillant l'espace aérien, sont capables de détecter les éventuelles intrusions d'appareils ou de fusées ennemies. Et puis les services de renseignement, tous les services de renseignement consacrent une part notable de leur activité à ce qui s'appelle la reconnaissance électronique. C'était vrai hier, ça l'est encore plus aujourd'hui. Ouais, expliquez-moi alors, de quoi s'agit-il là ? Eh bien, il s'agit d'enregistrer le maximum de signaux électromagnétiques émis par l'adversaire. En décryptant ces signaux, on peut obtenir de précieux renseignements sur les fréquences, les moyens de communication. Et les services de renseignement ne cessent de se livrer à cette cueillette. Mmh. Est-ce que c'est la raison d'être de ce fameux réseau échelon dont... Vous m'avez souvent parlé ? Ah, bien sûr. Une gigantesque toile d'araignée mondiale qui permet aux anglo-saxons de capter à peu près toutes les communications qui sont échangées, qu'elles soient terrestres, maritimes ou aériennes. Oui, mais Echelon n'a pas qu'un rôle militaire. C'est vrai. Dans la guerre économique, ce système est essentiel. Mais aujourd'hui, alors qu'on assiste à une sorte de réveil de la guerre froide et que des zones de tension existent tant au Proche-Orient qu'en Extrême-Orient, les grandes oreilles anglo-saxonnes doivent fonctionner à plein régime. D'accord. Non, revenons au Boeing sud-coréen. À quoi aurait-il servi dans cette affaire de reconnaissance électronique ? Bien, imaginez qu'un intrus pénètre dans un espace aérien hostile. Que se passe-t-il ? Immédiatement, tous les systèmes de surveillance passent de l'état de veille à l'activité. Ouais. Une activité débordante. Les radars fouillent le ciel, la défense aérienne se met en place, des avions intercepteurs décollent, enfin un vrai remue-ménage au cours desquels des milliers d'informations électroniques sont échangées. Des informations qui, si elles sont captées par l'ennemi, donnent des renseignements essentiels. Exactement. Si les satellites d'observation et les avions de reconnaissance enregistrent toutes ces données, la puissance qui a envoyé cet intrus violer l'espace aérien de l'adversaire est soudain en mesure de comprendre comment fonctionne sa défense. Ah oui, je comprends. Et par conséquent, il est capable d'adapter ses plans d'attaque en fonction des informations recueillies. Alors, à votre avis, le Boeing aurait joué ce rôle de l'intrus ? C'est tout à fait possible. Son objectif aurait été d'exciter tous les systèmes de défense soviétiques dans cette région. Ouais. Mais ça signifie qu'au même moment, les Américains avaient mis en place tout un dispositif pour enregistrer ces communications. Et les fréquences des radars soviétiques, c'est très important parce que ça donne une image en vraie grandeur du système de défense utilisé par l'adversaire. Ouais. Mais est-ce qu'on sait si les Américains avaient réellement mis en place ce dispositif d'écoute ? Oui. Oui, on possède des informations assez précises. Les Américains ont par exemple reconnu officiellement qu'un de leurs navires d'observation naviguait cette nuit-là dans le secteur. D'autre part, ils ont aussi admis qu'un RC-135 volait pas très loin du Boeing. Qu'est-ce que c'est que ça, un RC-135? C'est une version modifiée du Boeing 707, mais un avion bourré d'électronique. C'est-à-dire d'appareil d'enregistrement. C'est cela, mais enfin, c'était pas tout. Les Américains disposent aussi cette nuit-là d'un satellite espion, Ferret D. Son passage au sud de la zone où va disparaître l'appareil sud-coréen coïncide exactement avec le moment où le Boeing pénètre dans l'espace aérien de l'URSS. Ça, en effet, c'est assez troublant. Hein. J'ajoute qu'un autre engin spatial a survolé aussi la région, la navette Challenger. Ça fait quand même beaucoup, non ? Ouais, je l'admets, mais moi je voudrais qu'on en revienne au fait. Hein. Il y a ce mystère. Pourquoi le Boeing, lorsqu'il a été intercepté, n'a pas obtempéré ? Il se trouve que nous disposons d'un document très important, les déclarations du pilote soviétique qui a détruit l'appareil en vol. Ouais, mais est-ce que ce sont des déclarations fiables ? Je le pense, parce qu'elles ont été recueillies en 1991, c'est-à-dire après l'effondrement de l'Empire soviétique, à une époque où on pouvait donc penser que cet homme, Gennady Osipovitch, s'exprimait librement. Ouais, peut-être, oui, mais que dit-il alors en 91, c'est ça ? Oui, cette nuit-là, dans une base aérienne de l'île Sakhalin, on le réveille en toute urgence et on lui ordonne de monter dans ce Sukhoi 15 et de décoller immédiatement. Il connaît sa mission ? Pas encore. C'est lorsqu'il se trouve à 8000 mètres que le contrôleur au sol lui annonce l'intrusion d'un appareil étranger. Et peu de temps après, Osipovitch aperçoit l'avion dont les feux de signalisation sont allumés. Et quels sont les ordres qu'on lui donne à ce moment-là ? On lui dit que l'avion a violé la frontière soviétique, il faut donc l'abattre. Mais tout de suite après, c'est le contre-ordre. Ouais, c'est classique, non ? Le contrôleur indique à Osipovitch qu'il doit grimper jusqu'à l'altitude de la cible et le forcer à atterrir. Comment vous expliquez cette hésitation ? Ben que j'explique pas, mais enfin peut-être que dans la chaîne de commandement, quelqu'un a pensé, peut-être, qu'il fallait d'abord identifier l'intrus. Mais justement, est-ce que le pilote soviétique, Osipovitch, lui parvient à identifier cet intrus ? Eh ben non. Et pourtant, Osipovitch va s'approcher de très près. Mais il affirme qu'il n'a pas reconnu le type d'appareil qu'il avait sous les yeux. Pourtant, la silhouette d'un Boeing 747, hein, avec sa grosse bosse au-dessus du cockpit, est parfaitement reconnaissable. C'est vrai. Alors poursuivons. Osipovitch observe toutes les procédures d'interception, mais l'appareil inconnu ne réagit pas. On peut se demander si les pilotes de cet avion ont vu le Sukhoi ? Ils n'ont pas pu faire autrement. Des feux clignotants dans la nuit noire, ça passe pas inaperçu. Ouais. Et ensuite, alors, au sol, on ordonne à Osipovitch de tirer des fusées d'avertissement, ce que fait le pilote soviétique. Mais comme il ne dispose pas de fusées traçantes, il tire plusieurs salves d'obus. Et là encore, l'équipage de l'avion étranger ne peut ignorer l'avertissement. La preuve, c'est que sa vitesse diminue considérablement. Et qu'est-ce que ça signifie selon vous, alors, ça ? Il essaie de s'échapper. Je comprends pas. Le chasseur Sukhoi, au-dessous d'une certaine vitesse, doit décrocher. Et c'est ce que cherche l'intrus. Alors au sol, on finit par ordonner à Osipovitch de détruire la cible. Ce qu'il va faire ? Oui. Comme il a tiré tous ses obus, il décide d'utiliser ses missiles. Il se laisse glisser sous l'avion inconnu et quand il est à une distance suffisante, il tire. Un premier missile atteint l'intrus à la queue. Et un deuxième le touche à l'aile gauche. Et c'est la fin. C'est la fin, oui. L'appareil est détruit, il va s'abîmer en mer. Mais est-ce que le pilote soviétique a pensé qu'il tirait contre un avion civil ? À aucun moment. Et si vous voulez mon avis, Gennady Osipovitch n'a pas abattu un avion civil. Monsieur X laisse clairement entendre que ce n'est pas sur le Boeing sud-coréen que ce pilote soviétique, Osipovitch, a tiré. Alors, sur quel appareil ? Nous y revenons tout de suite. Auparavant, je vous propose d'examiner en détail les procédures d'interception. Sciences et Vie, dans un article très complet sur cette affaire, écrit ceci en novembre 1984. Les procédures d'interception en vol sont soumises à des règles internationales reconnues. Lorsqu'un appareil militaire veut intercepter un appareil commercial avec lequel il n'a pu établir de contact radio, il doit procéder de la façon suivante. 1. Se placer de telle sorte que l'équipage de l'avion à raisonner puisse voir et comprendre sans la moindre ambiguïté les manœuvres destinées à lui signifier l'interception. 2. Faire clignoter ses feux. 3. Balancer les ailes alternativement à gauche et à droite. Face à ces signaux, deux situations peuvent se présenter. Ou bien l'avion intercepté n'obtempère pas aux ordres et l'intercepteur est alors tenu de faire une dernière sommation en tirant des rafales de balles traçantes devant le nez du réfractaire. Ou bien l'avion intercepté manifeste sa soumission en suivant l'intercepteur jusqu'à l'aérodrome choisi par le commandement. Dans ce cas, la dernière manœuvre à exécuter par l'intercepteur consiste à informer l'équipage de l'avion à raisonner qu'il doit se préparer à atterrir. Pour cela, l'intercepteur se place légèrement au-dessus de l'intercepté et sort son train d'atterrissage. Voilà ce que prévoit la réglementation internationale et qui ne pouvait échapper à l'équipage de l'avion de ligne coréen. Vous soutenez donc que ce n'est pas le Boeing de la KAL, KAL que le pilote soviétique a détruit? J'en suis à peu près sûr. Mais pourquoi? Parce que le commandant de bord du Boeing n'aurait pas risqué la vie de tous ses passagers en essayant de s'échapper. Il aurait obéi à l'ordre d'atterrir, c'est ça? C'est certain. Ouais. Bon, alors, quel était cet appareil inconnu qui a été détruit? Est-ce que ce serait un de ces avions de reconnaissance électronique dont vous avez parlé, là? ARC-135? Non. Osipovitch, qui servait dans les forces aériennes soviétiques de l'extrême Est depuis une dizaine d'années, connaissait parfaitement cet avion. Parce qu'il l'avait déjà vu en vol? Oui, à plusieurs reprises. Les tentatives d'intrusion étaient fréquentes, donc Osipovitch l'aurait immédiatement identifié. Oui, alors, qui ou quoi? Il s'agissait, à mon avis, d'un appareil américain. Un avion d'un type nouveau qui ne devait à aucun prix tomber dans les mains des soviétiques. Un avion de reconnaissance aussi? Certainement, un appareil qui participait à la grande opération de reconnaissance électronique amorcée par l'intrusion du Boeing sud-coréen dans l'espace aérien de l'URSS. Il s'agit d'une simple hypothèse qui n'a étayée par une preuve. Pas tout à fait. Expliquez-moi alors. Dans la zone où a eu lieu l'attaque, on a retrouvé en mer de nombreux débris d'avions. Curieusement, ces débris, examinés par des spécialistes, n'appartenaient pas au Boeing sud-coréen, mais vraisemblablement à un ou plusieurs appareils militaires américains très modernes. Curieux, mais... Alors, le Boeing, qu'est-il devenu, alors? Je vais essayer de répondre, mais... Enfin, laissez-moi encore un petit peu de temps, car il y a décidément trop d'anomalies dans cette affaire. Les messages radio, par exemple... Leur chronologie ne colle pas avec la version officielle. La version officielle, laquelle? Oui, celle qui veut que le Boeing ait été abattu par la chasse soviétique. Des experts ont mis en évidence ceci. D'après les écoutes réalisées par les Japonais et les Américains, le pilote soviétique a annoncé à 18h26 GMT avoir abattu la cible. Or, une minute plus tard, à 18h27 donc, un message radio du Boeing est capté par une tour de contrôle japonaise. Le commandant de bord annonce que tout va bien à bord. Ce qui prouve selon vous que... Ce n'est pas le Boeing sud-coréen qui a été détruit par Osipovitch. Ça me paraît évident. Et le Boeing a poursuivi sa route encore de longues minutes. Mais je voudrais revenir un instant sur le témoignage de Gennady Osipovitch, parce qu'on y trouve un détail tout à fait étonnant. Après avoir abattu la cible qu'on lui a demandé de détruire, il aperçoit derrière lui un MiG-23. Et le pilote de ce chasseur, très excité, entre en communication avec lui. Excité? Oui, le pilote du MiG hurle dans son micro qu'il vient d'assister à une véritable bataille aérienne. Il veut parler de la destruction opérée par Osipovitch, non? Non, il parle d'autre chose, une bataille aérienne qui opposerait des avions soviétiques à des avions américains. Mais où? Tout près, dans le ciel de l'île de Sakhalin, et au-dessus de la petite île de Monéron. Et ça vous paraît crédible, ça? Oui. Oui, j'y crois vraiment, et ça explique la présence de tous ces débris retrouvés en mer au large de Sakhalin. D'ailleurs, ceux qui ont eu la chance de pouvoir écouter les enregistrements des communications soviétiques captées par les Japonais et les Américains sont formels. Il y a bien eu affrontement entre avions soviétiques et avions de l'US Air Force cette nuit-là. Et la relation avec le drame du Boeing? J'y viens. Voyons d'abord le nouveau scénario en tenant compte de tous ces éléments. Dans cette nuit du 31 août au 1er septembre, les Américains préparent une grande manœuvre d'espionnage. Ouais, c'est ce que vous appelez la reconnaissance électronique, là. Oui, et ils décident de se servir du Boeing sud-coréen 007 pour mettre le système d'alerte soviétique sur la défensive. Au moment où l'avion entre dans l'espace aérien de l'URSS, des avions espions américains entrent en jeu. Oui. Le Boeing est alors une sorte de leurre. Oui, et cela permet aux Américains d'enregistrer tous les signaux électriques qui sont émis par les Russes. Ouais, jusqu'à assez crédible. Hein. Merci. Mais les Américains sont dépassés par leur propre piège. Dépassés, qu'est-ce que ça signifie ? La réaction des Soviétiques est plus brutale qu'ils ne pensaient. Plusieurs chasseurs russes prennent l'air et il s'ensuit une véritable bataille aérienne au cours de laquelle certains avions américains qui ne sont pas de taille à affronter les chasseurs sont abattus. Parce qu'ils sont plus lents ? Oui. On peut aussi imaginer que les Soviétiques attendaient les Américains. Une fuite ? Oui, pourquoi pas. Mais n'oubliez pas qu'on se trouvait dans une zone où les affrontements étaient très fréquents. Ouais. Donc les deux camps étaient en permanence sur le qui-vive. En permanence, comme vous dites, oui. En tout cas, les Américains, au moins dans un premier temps, ont été pris au dépourvu par la réaction de l'adversaire. Ouais. Et au fond, Osipovitch a été un des acteurs de cette bataille aérienne. Et sans savoir qu'il y avait d'autres combats. Ouais. Ça, j'ai bien compris. Mais revenons à l'essentiel, le Boeing sud-coréen. Je suis persuadé qu'il a été une victime indirecte de cette bataille aérienne. Pourquoi ? Il a été pris dans le feu des combats ? Non, il était déjà beaucoup plus au sud. Alors, expliquez-moi. Eh bien, je crois qu'il a été victime d'une méprise, tout bonnement. Et il a peut-être été abattu par des missiles américains. Une méprise, là, je comprends pas. Ben, en raison des combats qui avaient eu lieu, toutes les forces américaines, tant maritimes qu'aériennes, étaient en état d'alerte. Et le Boeing qui semblait venir de l'URSS a été pris par erreur pour un avion ennemi, peut-être par un navire de guerre qui croisait au large du Japon. Parce qu'il venait de l'URSS, enfin de l'intérieur des frontières de l'URSS, de l'espace aérien en tout cas. Ouais. Mais j'ai quand même du mal, moi, à croire à une telle méprise. Vous avez tort. Souvenez-vous de l'Airbus iranien qui a été détruit par le croiseur américain Vincennes au-dessus du Golfe. Là aussi, il s'est agi d'une méprise, mais une terrible méprise. Mais si ce que vous dites est vrai, pourquoi l'URSS ne s'est-elle pas mieux défendue ? En mettant en cause les États-Unis, par exemple. Parce que dans le doute, c'est-à-dire ignorant si Osipovitch n'avait pas vraiment abattu le Boeing, les autorités soviétiques, comme à l'habitude, se sont d'abord enferrées dans une série de mensonges et de manœuvres de désinformation. Ensuite, il leur était difficile de faire marche arrière. Et quitte à payer le prix fort, hein, parce que cette affaire a soulevé l'indignation dans le monde entier. Hein. C'est vrai. Quant aux Américains, vous comprenez bien qu'ils n'avaient pas non plus intérêt à révéler la vérité. Et eux aussi ont accumulé les contre-vérités, les tentatives de trucage. Enfin, je le reconnais bien volontiers. Beaucoup d'éléments demeurent encore mystérieux, même si le scénario est en gros celui que je vous ai décrit. Ouais. Vous pensez donc que les Soviétiques et les Américains ont caché de conserve la vérité ? C'est très possible. Parce que cette affaire mettait en jeu de part et d'autre bien des secrets militaires et technologiques. Tenez, je vous donne un dernier tuyau. Au cours de cette nuit du 31 août, l'URSS devait procéder à l'expérimentation d'un nouveau missile, le SSX-24, dont les États-Unis ignoraient tout. Et vous savez que je ne crois guère aux coïncidences. Deux hommes ont mené une véritable contre-enquête sur cette affaire du Boeing sud-coréen. L'un est français, Michel Brun, est un ancien pilote. L'autre, John Keppel, est américain et a été diplomate. Le Monde a publié un article sur leurs investigations. Volontairement ou non, le vol 007 était accompagné d'avions chargés de tester les capacités défensives et les radars soviétiques dans un des secteurs les plus armés de la planète. Il se trouvait, nous a déclaré M. Keppel, au sein d'une mission de provocation massive au but politique ou l'espionnage, à moins qu'il n'ait été utilisé, se demande M. Brun, comme l'heure chargée d'activer les radars soviétiques. L'avion espion RC-135 aurait volé à proximité du 747 lorsque ce dernier traversa Sakhaline. D'après la version américaine, c'est alors qu'il quittait l'île pour reprendre le chemin de Narita, l'aéroport de Tokyo, que le 747 aurait été abattu sans sommation à 3h26 à proximité de l'île de Monéron. C'est là que M. Brun apporte une version totalement inédite. Selon lui, l'avion a poursuivi son vol pendant environ 3 quarts d'heure vers le sud, avant de s'écraser en mer au sud du détroit de Tsugaru, qui sépare les îles japonaises de Honshu et de Hokkaido. Et Michel Brun de signaler lui aussi la bataille aérienne qui aurait eu lieu dans la zone, ce qui lui permet de donner l'explication suivante sur la fin du Boeing. Brun pense que dans la confusion militaire qui suivit l'imbroglio militaire au-dessus de Sakhaline, les radars américains qui repérèrent le vol du 007, qui se trouvait hors du couloir normal et arrivait de l'espace aérien soviétique, l'auraient pris par erreur pour un appareil hostile, craignant une agression soviétique dans cette période d'extrême tension et de combats aériens, quelqu'un aurait pris l'initiative, peut-être un navire, d'abattre le Boeing. Tout aurait été fait ensuite pour couvrir l'accident. Une explication qui fait froid dans le dos.